Chapitre 19e. M. Mulford se mit à la besogne, prenant les choses par le menu depuis les 10 dernières années. Il voulait établir une balance ayant pour but de montrer à M. Penroth, d'une façon claire et succincte, comment les bénéfices du passé avaient fini par devenir les pertes du présent. « Je ne suis pas homme à me résigner à perdre, » dit M. Penroth à son frère le lendemain de l'arrivée de M. Mulford. « Si les ardoisières cessent de rapporter de l'argent, je les fermerai, du jour au lendemain. Ce sont des frais considérables en pure perte. Je ne continuerai pas à dépenser d'un côté sans rien recevoir de l'autre. » Mark ne répondit mot. Son sourire se contracta. Il sentait s'évanouir son revenu de 300 livres. Le lendemain du jour où M. Mulford était arrivé à Penroth Place, il saisit une occasion pour parler à Barbara dans l'embrasure d'une fenêtre. « Je regrette, » lui dit-il humblement, « ce qui est arrivé hier à dîner. « Je vous donne ma parole que j'avais oubliée. Vous me l'avez déjà dit, » répond-elle dédaigneusement. « Je suis obligé de vous croire. Vous n'avez pas d'excuse à me faire, à moins que ce ne soit pour avoir calomnié le Major Leland. Je suis désolé d'avoir pu vous offenser. Ce n'est pas en votre pouvoir, » repartit-elle avec hauteur. « Je vous prie de n'en plus parler jamais. » À partir de ce moment, Barbara n'adressa plus la parole à Mulford. Elle se bornait à lui répondre quand il l'interpellait personnellement. « Ah, ce n'est pas en mon pouvoir de vous offenser, » se répète Mulford plusieurs fois par jour, tout en tâchant de tirer au clair les comptes de gestion de Mark. « Prenez garde qu'il ne soit en mon pouvoir de vous atteindre au cœur avec une flèche empoisonnée. » Mulford quitte peu après Penroth Place pour Camelot et s'installe à l'auberge des Armes du Roi, afin de voir de ses yeux ce qui se passe aux ardoisières. Mark vit dans les meilleurs termes avec Mulford. Il le présente à l'élite de Camelot, qui l'accueille à bras ouverts. Les parties de billard comptent un habile joueur de plus. Un jour, les deux nouveaux amis se promènent en fumant. Mark offre un cigare à Mulford et dirige la promenade. On arrive à la grille du village de Sainte-Colombe. « Voulez-vous entrer un moment pour vous reposer ?» dit Mark à Mulford. « Aujourd'hui, il fait meilleur dedans que dehors. »« Vous avez des amis ici ?» demande Mulford innocemment. « Oui, je suis comme chez moi, » répond-il en riant. Si la dame du logis est de bonne humeur, elle nous offrira un verre de curaçao, qui vaudra mieux que celui que nous pourrions prendre chez Lanherp. Si, répète avec emphase M. Mulford, ce sera votre faute si elle n'est pas aimable. Croyez-vous que cela soit toujours si facile de mettre une femme de bonne humeur? Vous êtes sans doute célibataire, et vous? Moi, je le suis aussi. Si d'aventure Vivien me supposait marié, il ne me le pardonnerait jamais. Mais n'est-ce pas se faire une idée un peu exagérée de la vertu d'un homme que de croire qu'il ne se laissera pas prendre dans quelque trame plus ou moins emmêlée? Je ne suis pas libre, comme je le serais si j'avais été plus prudent. Mais qu'est-ce à dire auprès de Vivien, qui à son âge tombe amoureux comme un jeune homme et épouse une personne qui n'a pour dot que sa beauté? Et dont le cœur était sous le charme d'un homme jeune et charmant, car c'est encore ce qu'il y a de pire dans l'affaire, ajoute Mulford. Oui. « Laissez-moi vous dire encore, » répliqua Mark, « que grâce à son empire sur elle-même, grâce à son respect du devoir, Madame Penroth est dans sa vie conjugale le modèle de toutes les vertus. Dans cette Thébaïde, mon ami, il n'y a pas une chance pour qu'il en soit autrement, à moins qu'elle ne se fasse enlever par le majordome, » repartit Mulford, pendant que Mark ouvre la porte du cottage. Nous sommes de nouveau introduits dans la pièce où s'est déroulée la scène qu'avait provoquée dernièrement entre Madame Peters et Mark, le retour tardif de celui-ci. Mais ce soir-là, l'aspect des choses est bien changé. Un bon feu pétille dans la grille. Sur un guéridon tournant sont placées des tasses de thé et de fines tartines dorées de beurre. Sur un plateau de lac rouge, de petits verres de cristal de bohème entourant une grosse bouteille brune trapue et une bouteille de fine champagne long col. D'une bouilloire en cuivre s'échappe en sifflant la vapeur d'eau en ébullition. Une petite femme fraîche comme une rose, aux yeux de braise, à la chevelure d'ébène, était assise près du feu. Sa robe de soie bleue paraît faite non pas par la meilleure faiseuse de Camelot, c'eût été trop peu dire, mais de Launceston. Sous son col blanc pesé est nouée une coquette cravate, dont les bouts sont assez courts pour ne pas cacher une broche ovale en or, au centre de laquelle est la photographie de Mark. Ce bijou, d'un goût plus ou moins équivoque, ouvre les yeux de Mulford sur la situation. « Monsieur Mulford, Madame Peters, » dit Mark en manière de présentation. « J'ai pensé qu'une tasse de thé vous serait agréable par ce temps froid, » dit gracieusement Madame Peters à Monsieur Mulford. « En attendant, voulez-vous accepter un verre de curaçao? J'espère que vous vous êtes faite belle ce soir, s'écrie Marc, qui n'avait pas plus de tact qu'un hippopotame en faisant allusion à la robe bleue. Vous m'aviez dit que vous viendriez peut-être avec un ami, répond-elle modestement, mais je n'ai pas visé à l'effet. Vous ne pouvez jamais qu'en faire un charmant, madame, repartit Mulford avec galanterie. Vous offrirai-je du sucre, de la crème? Demanda gracieusement Madame Peters à son hôte. Monsieur Mulford accepte du sucre, de la crème, des tartines minces comme du papier de soie, et déclare que chez lui le goût du thé est une passion inextinguible. Les tasses de thé se succèdent les unes aux autres, la conversation, d'abord banale, s'engage bientôt sur un terrain moins vague. Je suppose que vous avez vu la femme de Monsieur Penroth, depuis que vous êtes dans le pays? Demande Madame Peters avec une physionomie qui révèle toute la haine qu'elle porte à la femme de Vivien. « Oui, mais je la connaissais déjà. »« C'est ce que Marc m'a dit. Vous connaissiez aussi son fiancé ?»« Oui, le hasard m'a rendu témoin de leur séparation. » Et alors M. Mulford raconta la scène des adieux à Portsmouth en l'amplifiant au désavantage de Barbara. « C'est une conduite bien étrange pour une jeune personne qui n'a pour ainsi dire jamais quitté l'aile maternelle. »« Oui. » Mais Madame Trevenoch a élevé ses filles dans des idées de grande indépendance. Le mariage m'a toujours fait l'effet de devoir être gros d'orage. Et d'après ce que vous venez de me dire... Là-dessus, Madame Peters offrit encore une tasse de thé à M. Mulford, puis elle reprit quelques instants plus tard. J'en suis fâché pour M. Penroth, mais j'en suis bien plus fâché encore pour Marc. Comment cela? Répondit d'un air naïf M. Mulford. Mais n'avait-il pas lieu d'espérer qu'il serait l'héritier de Vivien? Lequel répétait toujours qu'il ne se marierait jamais. Et après s'être flatté des plus belles espérances pour lui et ses enfants, Marc... Marc toussa, fronça le sourcil en signe d'avertissement à la belle parleuse. « Tous vos signaux sont inutiles, Marc, reprit Madame Peters. Pourquoi taire que vous comptiez sur cette fortune? Pourquoi ne deviendriez-vous pas père de famille? Pourquoi dissimuler que vous avez éprouvé une grande, une immense déception? Pourquoi, je vous le demande ?» « Qui vous dit que tout soit perdu ?» dit M. Mulford. « Et ce mariage ? Sans enfant jusqu'à présent ? Avec ou sans enfant, tout est perdu pour Marc. Je ne partage pas cet avis. Personne n'y musa même que moi d'apprécier les chances d'avenir de M. Marc, ayant été initié par ma position de commis chez M. Trevenoch à tous les pourparlers qui ont précédé la rédaction du contrat. Si le Squire n'a pas de fils, il ne laissera jamais sa fortune qu'à l'héritier de son nom, à moins qu'il n'ait quelque raison particulière de douter de l'honneur ou de la probité de son frère. » Marc, qui buvait un verre de grog, écoutait sans mot dire. Mais Madame Penroth, qui ne l'a épousé que pour sa fortune, saura bien lui faire un testament en sa faveur, repartit vivement Madame Peters. Rien ne lui serait plus facile, si c'était une femme intrigante, comme il y en a. Continua M. Mulford en attachant presque malgré lui ses regards sur son astucieuse interlocutrice. Mais Madame Penroth est trop absorbée dans les souvenirs du passé pour songer au présent et surtout à l'avenir. Du reste, je sais qu'au moment du mariage, M. Trevenoch a eu beau le prier, le supplier de faire un testament en faveur de sa fille, il n'a jamais reçu d'autre réponse que celle-ci. Si j'ai un fils, il sera tout naturellement mon héritier. Si je n'ai pas d'enfant, les choses peuvent rester comme elles sont. « En bonne conscience, j'ai fait assez pour votre fille. » Trevenoch ne pouvait guère être d'un avis contraire, car M. Penroth avait donné à sa femme une propriété qui vaut au moins 8 000 livres. « La propriété Holworthy, elle en a coûté 15 000 à mon grand-père, mais je pense qu'elle n'en a que la nue propriété. »« Il la lui a donnée en toute propriété. » »« Vous voyez que la position de M. Mark n'est pas aussi compromise que vous le croyez. »« À moins qu'il ne se montre indigne de porter avec honneur le vieux nom de Penroth, il est sûr d'hériter. » Pourvu que Madame Penroth n'ait pas de fils, tout est là, répond Mulford, qui semble sympathiser de plus en plus avec ses nouveaux amis et prendre leurs intérêts. À moins que la mort subite de M. Penroth ne vienne tout terminer au mieux des intérêts de Marc. Mais ce n'est pas à dire que je souhaite un pareil dénouement, ajoute Madame Peters d'un air embarrassé, qui paraît de plus en plus étrange à M. Mulford. Il regarde à deux fois celle qui a pu tenir un pareil propos. Ah, petite! Se dit-il à lui-même. Je soupçonne que vous êtes la femme de Marc Penroth. Bénis le ciel que vous ne soyez pas la mienne.